La voie sur laquelle je suis est réservée aux véhicules lents. Elle concerne tous les usagers sans exception qui roulent à moins de 60 km/h. Ici, je suis à ma place sur la chaussée si je circule à 45 ou 55 km/h. Dans les autres cas proposés, je dois obligatoirement changer de voie. Réponse A et B.